Troisième partie, chapitre 30, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 30. Quelques autres avis touchant le discours. Que notre langage soit sincère, doux, naturel et fidèle. Gardez-vous des duplicités, des artifices et de toutes sortes de dissimulations, car bien qu'il ne soit pas bon de dire toujours ce qui est vrai, cependant il n'est jamais permis de blesser la vérité. Accoutumez-vous à ne jamais mentir, ni de propos délibérés, ni par excuse, ni autrement, vous souvenant que Dieu est le Dieu de vérité. Si donc quelque mensonge vous échappe par mégarde, et que vous puissiez réparer votre faute sur le champ par quelque explication ou d'une autre manière, n'y manquez pas. Une excuse véritable a bien plus de grâce et de force pour se justifier qu'un mensonge étudié. Bien que l'on puisse quelquefois discrètement et prudemment déguiser et couvrir la vérité par quelque artifice de parole, l'on ne peut pourtant pratiquer cela que dans les choses importantes, quand la gloire et le service de Dieu le demandent manifestement. Hors de là, les artifices sont dangereux, d'autant que, comme dit l'Écriture sacrée, le Saint-Esprit n'habite point en un esprit dissimulé et double. Il n'y eut jamais de finesse meilleure et plus souhaitable que la simplicité. La prudence mondaine avec tous ses artifices est le caractère des enfants du siècle, mais les enfants de Dieu marchent sans détour et ont le cœur sans aucun repli. Qui marche simplement, dit le sage, marche avec confiance. Le mensonge, la duplicité, la dissimulation seront toujours les traits naturels d'un esprit bas et faible. Saint Augustin, après avoir dit au quatrième livre de ses confessions que son âme et celle de son ami n'étaient qu'une seule âme, que la vie lui était en horreur depuis la mort de son ami parce qu'il ne voulait pas vivre d'une demi-vie ni à moitié, et que pour cela même il craignait cependant de mourir, de peur que son ami ne mourût tout entier. Ces paroles lui semblèrent trop affectées et artificieuses, et il les blâma dans le livre de ses rétractations, où il les appelle une grande ineptie. Voyez-vous, Philothée, la délicatesse de cette sainte et belle âme sur l'affectation des paroles. Certainement, c'est un grand ornement de la vie chrétienne que la fidélité, la sincérité et la naïveté du langage. Je l'ai dit, et je le ferai, protestait le saint roi David. J'observerai mes voies, de peur que ma langue ne me rende coupable de quelque péché. Et Seigneur, mettez une garde à ma bouche, et pour que rien de blâmable n'en sorte, attachez la circonspection à mes lèvres. C'est un avis du roi saint Louis de ne contredire personne, sinon en cas de péché ou de quelque dommage, afin d'éviter toutes les contestations. Mais quand il est nécessaire de contredire les autres et d'opposer son opinion à la leur, ce doit être avec tant de douceur et de ménagement que l'on ne paraisse pas vouloir faire de violence à leur esprit. Aussi bien ne gagne-t-on rien en prenant les choses avec chaleur. La règle de parler peu, si recommandée par les anciens sages, ne se prend pas en ce sens. Que l'on dise peu de paroles, mais que l'on n'en dise pas beaucoup d'inutiles. Car, en ce point-là, l'on n'a pas égard à la quantité, mais à la qualité. Et il faut, ce me semble, éviter deux extrémités. La première est de prendre ses airs fiers et austères, d'un silence affecté dans les conversations où l'on se trouve, parce que ces manières marquent de la défiance ou du mépris. La seconde est de se laisser aller à un flux de paroles qui ne laisse à personne le temps et la commodité de parler, parce que c'est le caractère d'un esprit éventé et léger. Saint Louis ne trouvait pas bon qu'on parlât dans une compagnie en secret, et comme on disait de son temps, en conseil, particulièrement à table, de peur de faire penser aux autres que l'on parlât mal d'eux. Oui, disait-il, si étant à table en bonne compagnie, l'on a quelque chose de bon et de réjouissant à dire, on doit le dire tout haut. Et s'il s'agit d'une affaire sérieuse et importante, l'on n'en doit parler à personne. Fin du chapitre 30, troisième partie.